Pris sur le vif. Écoutez. Monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que je ramène la commande. Bravo, je vous félicite. Malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées, vous vous en êtes bien sorti. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Mais vous savez, je n'ai peut-être pas autant de mérite que vous voulez bien le dire. Le fait de parler l'arabe m'a ouvert bien des portes. Répétez. Monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que je ramène la commande. Bravo, je vous félicite. Malgré toutes les difficultés que vous avez rencontrées, vous vous en êtes bien sorti. Merci, monsieur. Vous êtes très aimable. Mais vous savez, je n'ai peut-être pas autant de mérite que vous voulez bien le dire. Le fait de parler l'arabe m'a ouvert bien des portes. Écoutez. Les gars, chapeau. Vous avez joué comme des chefs. Pourtant, ce n'était pas du gâteau. C'est vrai. Monaco a mené un bon bout de temps, mais vous ne vous êtes pas laissé faire. Répétez. Les gars, chapeau. Vous avez joué comme des chefs. Pourtant, ce n'était pas du gâteau. C'est vrai. Monaco a mené un bon bout de temps. Mais vous ne vous êtes pas laissé faire. Écoutez. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment le plus important de cette soirée. Le tirage du gros lot de notre tombola. Un voyage à Istanbul pour deux personnes, offert par le Crédit Agricole de Laval. Le numéro 210 gagne le gros lot. C'est moi! Pour une fois, j'ai eu de la chance. Toutes nos félicitations à l'heureuse gagnante. Répétez. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment le plus important de cette soirée. Le tirage du gros lot de notre tombola. Un voyage à Istanbul pour deux personnes, offert par le Crédit Agricole de Laval. Le numéro 210 gagne le gros lot. C'est moi! Pour une fois, j'ai eu de la chance. Toutes nos félicitations à l'heureuse gagnante.